Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Ce soir, je vous propose des musiques inspirées de l'afrobeat, de l'afro-jazz, de l'afro-soul, de l'afro-funk, de l'afro-pop et de l'afro-rock. Tous en provenance des États-Unis, d'Angleterre, de France, de Belgique, de la Suède, du Congo, d'Israël, du Togo, du Kenya et du Burkina Faso. Alors, sans plus tarder, voici le groupe du Burkina Faso, Baba Commandant and the Mandingo Band. Don't te para que fantasora Chunguru niu to banfe la molue adote barake fangasura tuna furule chema dote barake fangasura atama chugu flesa atama chugu flesa ha bubara obe butara bo asama atama chugu flesa obira ha ayele chugu flesa obira chaloa me kamelendo bubara Anya Yesu Muruba, Sumuru Mulubalekwa Kumba Dimina, Anya Yesu Muruba So. Sumuru Mulubalekwa Kumba Dimina, Anya Ye Kameleba, Sumuru Mulubalekwa Kumba Dimina, Anya Ye Kameleba So. Sunguru dimi tebe toye ngo kupira ne mele towa wille. Sunguru dimi tebe toye ngo kupira ne mele towa wille. Oh, êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce premier bloc Mama C du groupe originaire d'Austin au Texas, Golden Dawn Orchestra. C'est extrait de leur album Darkness Falls on the Edge of Time, un album qui est paru en 2019. Ça a été précédé par Bobira du groupe du Burkina Faso Baba Commandant and the Mandigo Band. C'est extrait de l'album Siri Bakele, un album qui est paru en 2018. Alors on poursuit avec le saxophoniste anglais Nat Birchall. Thank you. Negro now, exodusing from these wretched plains. Pour holy palm wine, wash away this wasted shame. Blood is thicker than cotton or sugar cane. I don't think you're ready for the pain. I don't think you're ready for the chain. May, you are a field Negro too, son. Lead Candace Owens by the plantation. Foolish us, thinking the overseer even had the keys to these chains. How could we expect the dungeon keeper to make the rules and play fair this game? Oh, bless your greed for not granting me the little I asked of you. I would have played a fiddle and tap dance for you. I would have settled for some skittles in the safe path home. Tightened up my belt, lightened up my skin, bitten down my tongue. I begged you for an inch. Let me have some liquor and a flat screen. A minute for my mind, scraps for my sandwich. You had me saying prayers in your language. You made me forget my gods. You had me question my spirits, forsake my prophets, and then you cursed me with Trevor, Philip, soldier, pale face, Jacob it. One knee on my back, one knee on my lungs, telling me to run sprint times in a marathon. Keep calm and carry on. Oh, the audacity, the caucasity of it all. Thank you for refusing me that inch. Because now I do not recognize your yardstick. The scales have toppled, the curtains have collapsed, the blonde baboon's ass is bare in the open, and I am a field Negro now. I do not want your equality. It was never yours to give me, and even then it was too minor, too little, too late. Pull the balaclava over my heart and say, run it. My revolution rides a black horse, and it is stunning. Get me my flowers, shower them petals over my escape route. Molotov cocktails as my banner, skull and crossbones as my skin tone. Babylon burned down as my jam, mate. It's my ringtone. We are rolling your monuments down the street like tobacco. Tossing your effigies into the river. They weren't even war papaya. Let me show you what you taught me about crime. Forget a piece, we want the whole pie, and everything must go sign. We are all filled Negroes now. Just dead to talk, get me my bag. Maybe one day we'll see eye to eye on fancy furniture, but right now though, sorry not sorry. Hashtag burn it all. Just burn it all. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Je vous ai proposé dans ce deuxième bloc Opening Titles du groupe britannique The Sorcerers. C'est extrait de leur album In Search of the Lost City of the Monkey God, un album qui est paru en 2020. Ça a été précédé par Field Negus, des Britanniques Sons of Kemet. C'est extrait de l'album Black to the Future, un album paru en 2021. Et on a débuté le bloc avec Ancestral Dance, du saxophoniste anglais Nat Birchall. C'est extrait de son album Ancient Africa, un album paru en 2021, après la pause de Selenite's Band. que l'on peut, j'en le fut-il à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin. Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Avant de prendre tes jambes à mon cou, avant que le rouge ne te monte joue, tu mènes les ébats à me cheviller au corps. Pas cette passion énergivore, jus de poignet, vapeur de stup, des draps souillés, sans amour propre, moment d'égarement, désir impatient, le goût de la nouveauté, de l'enchantement. Est-ce que l'on peut, j'en le fut-il à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Cette affaire ne tourne au vinaigre. Murmure, soupir, inaudible, délicate, morsure, volupté, indécible. Avant de se loger dans le duvet des aisselles, faire de ma salive aquarelle, grain de beauté, constellation, disparaît sous la paume, sueur, traction, le sang qui bat sous mes tempes. Cette lubie a une taille de guêpe de nymphe. Tu me finis sur les rotules, la bouche en cœur, fais-moi croire que tu capitules. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Est-ce que t'as le cœur bien accroché, débauché de sens, intention cachée, bouffée de chaleur, force centrifuge, déguise la sueur en purge. Est-ce que de corps qui s'encastrent sont pour autant soudés l'un à l'autre? Est-ce que la mécanique du cœur s'enclenche comme un réflexe épidermique dès que l'on s'épanche pour ce magnétique bouton de chair pour lequel je suis la cheville ouvrière? Il n'y a pas d'amour que des preuves d'amour. Le corps est une preuve d'amour. Ballet statique, éloge de l'ennui à deux. Sur le périnée pour prolonger ce vol synchronisé. équipé sauvage, le corps à l'ouvrage, englué dans la moiteur. Le temps de reprendre des couleurs bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, mort sur de l'ennui, de l'ennui. Salinde, kochika la nanzela na kosuelo kote na puiko pinga mzilei. Sorti de la cuisse de Jupiter par une phalange brûlante. Ton plaisir est solitaire, même tes pupilles s'absentent. On s'unit comme on se vautre, l'orgasme ne vient pas de l'autre. Le blues du corps empêché, c'est de l'égoïsme partagé. Mais mes arguments, tes attributs, le vertige qui me donne la berlue, berlue, berlue. Suffit pas juste de bander. Naïko yemba moto, et zozo qui samotema. Bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu, bleu de nuit, bleu de nuit, mort sur de l'ennui, Isalinde, Isalinde, kochika la nanzela na kosuelo. L'amour est un lieu avant d'être un lien, un endroit plus ou moins lointain. Mais il n'y a que les souvenirs qui sont fidèles à la mémoire. C'est pourquoi on se partage ce territoire. Toi et Salita Ké. Moi. Nalinga kayo tuna pulanzela. Toi Isalinde. Moi kochika la nanzela na kosuelo kote. Et chaque fois que tu reviens sur les lieux, tu me vois comme tu voudrais, mais pas comme je suis. Celui des souvenirs, celui des premières nuits, bleu de nuit. Chez les hommes on dit que le corps se recroqueville, redevient carcasse, redevient coquille. Quand les épaules sont des forteresses, mon corps entier n'est plus qu'un aveu de faiblesse. Attraction, répulsion, le corps est démuni. Après l'exténuation, la mécanique nous trahit, réduit à sa plus simple expression. Quand le tatami n'est plus qu'un lit pour grand brûlé affectif, caché derrière des draps et des poncifs, forcément ébranlé, forcément vulnérable, petite mort inconsolable. Pourquoi tu te laisses pas aimer? Pourquoi tu reprends ce qu'on te donne? Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce troisième bloc Peau de chagrin, bleu de nuit, du musicien congolais Balodji. Cet extrait de son album 137 Avenue Kanyama, un album qui est paru en 2018. On a débuté le bloc avec Addis Streets, du groupe français The Selenites Band. Cet extrait de l'album Behind the Mask, un album paru en 2021. On poursuit avec le groupe Sun Atlas. que tous les jours, pour toi l'amour n'existe pas. Mais quand le loup est arrivé, aïe, aïe, aïe, aïe. Pour toi la vie c'est tac au tac, famille, amis, je m'en fous. Mais quand le loup est arrivé, aïe, aïe, aïe, aïe. Hey baby. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand, au microphone et au choix des musiques. Je vous ai proposé dans ce quatrième bloc Be My Wife du groupe franco-togolais Voodoo Game. C'est extrait de leur plus récent album Moussin, un album paru en 2021. Ça a été précédé par Awful Eye du groupe israélien Oudna Orchestra. Cet extrait de l'album Awful, un album paru en 2019. Et on a débuté le bloc avec Waiting for the Fun du groupe Sun Atlas, un groupe mystérieux dont on ne connaît pas la provenance. Cet extrait de l'album Sun Atlas qui est paru récemment. Après la pause, Colonel Jaffar.

Ni chaji, mshinga mwaga banda ni chaji. Déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce mercredi. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Alors, je vous ai proposé dans ce dernier bloc I Don't Know What to Do du groupe originaire du Kenya Black Savage. C'est extrait de l'album Something for Someone, un album qui est paru en 1975. Juste avant, vous avez entendu Oua de Peacock du groupe londonien EBBO Sound Machine. C'est extrait de l'album EBBO Sound Machine, un album paru en 2014. Et on a débuté le bloc avec The Goat's Voice, Lullaby, du groupe congolais Kasai All Stars. C'est extrait de leur album Black Hands Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound, un album paru en 2021. Alors c'est tout pour les échangeurs d'art de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine.